dans laquelle je suis est réservée aux usagers qui veulent tourner à droite. C'est la signification de cette flèche. Les feux qui me concernent viennent de passer au vert. Je pourrais donc normalement m'engager, mais ces piétons n'ont pas dû tenir compte du feu qui les concernait et qui devait clignoter. Je pourrais aussi tenter de me faufiler entre l'adulte et l'enfant resté près du feu. Mais agir de cette manière pourrait être fatal pour la fillette. Je n'ai pas à défendre mon droit de passage. En revanche, j'ai l'obligation de prendre en considération les erreurs commises par les autres. Je m'arrête absolument. Réponse B.